Oui, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, chers amis. Merci. Oui, merci, merci d'être là. Merci pour la confiance chaque fois. Ce qui t'a annoncé live Nabisso, il y a des amis qui viennent toujours. Saki, depuis Canada, je te vis. Merci beaucoup. Et des gens comme des Saki, Bazali, Batouya, Parti politique, Prof. Yombi Vision. Merci beaucoup, hein, cher sœur, pour la confiance. Merci. Saki, ici. Merci. Voilà. Nous revoici, Tozaraki Lobby. Et l'autre est Lissoussou, parce que à tout moment, ce qui est l'autre Salemi, il y a toujours des commentaires, il y a toujours de défense. Alors, il faut qu'il y ait toujours pour Nakoboma, ma défense ou inutile. J'ai remarqué que Nambo Kanabiso Tozaina ba avocat moko ya makasi. Tozaina ba avocat ya makasi, mais ba avocat ya biso ya Congo, bazali kotia ba service na bango na bazali kotia connaissance na bango na service ya pays te. Franchement, j'ai remarqué que bandeko na biso ba milouvor, bazali ba avocat ya makasi. Donc, même Satan, le lot, il a même mis Satan au tribunal, monde et l'oukaba avocat et pas il soute. Monde et l'oukaba avocat et pas il soute. Il faut qu'on na kasai. Vraiment, Satan, qu'on soit avocat, yamakasi. Ce qui est au Koloba, si on s'adresse à Batunabiso, Bandekonabiso, ba Congolais, souvent, ba au Bazali, ba scientifique, bah évita ka mingi le langage scientifique pour nous expliquer na peuple na yo. Ce n'est que normal. Bah politicien, bah activiste n'yons so politique quand bah ceux qui basali ko s'adresser na population na bango, bah évita ka ceux qui basali scientifique, bah évita ka le langage scientifique. Il faut un langage clair pour que bah tu bah comprendre yo. Et notre frère Félix Azali scientifique, il y a commandant à l'université, a compris qu'on utilisait le langage scientifique. Le langage scientifique, souvent, ils ont codé. Alors, il faut zala mutu oleka, nanzela wanabi otanga ba ouvrage belé scientifique, et kotin dayo po o comprendre yango. Alors, Félix utilise un langage ordinaire, un langage de la rue, un français ordinaire, un français de la rue. Na adresse naye ya lobby, et pa ya ba milouvor naye, et pa ya ba ndeko na biso ba kasayen, ezalaki na presque na kolo ba 6 minutes, parce que le reste était le blablabla. Et ça qui na 6 minutes. Na 6 minutes wana, Félix a lobby biloko misatu. Félix a lobby. Chers compatriotes, Félix a lobby consultation. Il y a des semi voir oy baye ko attaquer na inbox wa bi mais il y a lobby consultation, il y a aussi le dialogue. Consultation pour Ekende Nanini. On consulte. Félix a yebi ke na ye, na baninga na ye, o bazali na mangeoire, na politique, ba kosaka ba Congolais. Ceux qui bakeyi na consultation, moutounion soit ko loba to vanda to solo la. Biso to zo liate, kaka bino bo zo liate, to vanda to solo la. Alors, consultation et quoi aboutir na dialogue. C'est-à-dire que bande qu'on a biso qui se disent bango bat bakenda classe liboso, bah la qui sa biso ba classe. Félix dit consultation. Moi je dis dialogue. Ya lobi tete tete au prof ndingeni. Makamba dialogue ezateza makamba consultation. Consultation pour y aboutir à nini. Parce qu'il y a lobby, résultat à consultation à cause de décision. Alors, bisous de ce qui est un politicien congolais, Bazali Miyibi. Consulter Bango, yo moni ndenge nga na moni, a bisous de vain libanda, to zoliate. Kaka yo na ba milouvor, na yo na ba kasaye, na famille, na yo bozolia. Bon, na yoki. Yo kuna olobi nini, a bisous pe libanda, to zoliate. Kaka yo na bandeko, na yo na kabila. Bon, na yoki. Yo kuna olobi nini. Après, batu nyonso na kutai na bango, idée na bango, thèse na bango balobi, bango bazali banda, yango wana, désordre des alliés. Alors, na bengisi, dialogue. Ça aboutit toujours na dialogue. Na yebite classe na kabeya kamwanga, batangi sa bango, programme ya eutaka na planète Mars, eutaka na Jupiter, ou bien eutaka wapi ba programme batangi sa bango na kabeya kamwanga. Wapi ba intellectuel kasayen, ba ya ko boma, ba ya ko longola biso, cette image, oyo vraiment les kasayi nous donnent. Soit, il n'y a pas d'intellectuel kasayen, o ba koyi ko ya na contre-vérité, ko tia ba ndeko na bango na nzela, soit, au fait, ezali, ndenge na lobaka, biloko ba liaka en commun, yango ebebi sa kabango mitou, il n'y a pas d'intellectuel kasayen. Mais moi, je sais, Nazali convaincu que les Kasaï Bazali n'a pas vrai intellectuel Bazali. Alors, quand vous voyez un groupe de gens qui supportent la famille de Tshisekedi détruire la valeur intellectuelle de votre province, il faut sortir Naba réserve Nabino, Boya ko tia bande ko Nabino Nanzela, parce que tout le monde qu'on voit maintenant, Kasaïen, qui supporte Félix, bêtise na bêtise. Bêtise na bêtise. Franchement, Natigali ko monate un Kasaïen qui supporte Félix. Ezalazali professeur d'université. Ezalazali scientifique. Ezalazali vrai activiste. Azali toujours répété na ba bêtise. Na idiotie. Prenez par exemple votre professeur Mbata. Bêtise. Idiotie. Félix a parlé dans le langage moko ordinaire yabana maternelle ndenge tokenda kautika bana na classe. Lelo oyo bakasayen babaluki balobi, ah, c'était un langage des initiés. Kaka ba initié batwakoba. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Wana vraiment pour la première fois na yo kabandeko ba balobi vérité. Le langage de Félix c'est ça qui langage ba initié. Ba initié na idiotie, ba initié na kadiosha, ba initié na ubwenge. Soki ozali initié na ubwenge te, ozali initié na kadiosha te, ozali initié na formol te, vous n'allez pas comprendre le langage de Félix. Pour la première fois, banda Félix ba pesiye pouvoir et pa ya Kabila na yo kabande konabiso kasaye ba lobi vérité. Le langage de Félix Ezali ba initié ba problème. Alors, vous, chers initiés, vous expliquez Bissot. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que Bissot to yoki, na 6 minutes na ye. En passant, je voulais vous dire que Félix a raté une belle occasion de se taire. Il a raté une occasion de se taire. Et na yebisa ki bino lobby que discours à Félix est commis 4 fois. Discours, il y a Félix est quand même 4 fois. Le premier, Balobi Oyeko Simbate, Pasola, Bapasoli. Deuxième, parce que le premier, il s'est basé dans l'ambassadeur des États-Unis, la promesse de l'ambassadeur des États-Unis. Nzita Rebisiye, Bebisa, Amérique Azasimanayo. Katana Kabila, Amérique Azasimanayo. Natanga Okoma discours. Alingi ko senga quelques mots et pas ambassadeur États-Unis. Nazo koma discours talanga ndenge na lobby na lobby na lobby. Est-ce que ndenge o lobaki support wana ezali? Ambassadeur étage na ebiche support wana po na moment oyo je suis désolé moyen to pesa yo ango ezate parce que tozana problème na États-Unis na élection na biso talande ngezo kendele to yebite qu'est-ce qui va se passer pour Trump pe a lobby ye soki a zuite a kolongo na pouvoir to Félix Miyoyo telemi na mandefu oh hier za na mandefu a lobby me koma nga na promettre batu Na support yo lobby ko pesa ngai ya Amerika ko pesa ngai na kata na kabila ebeba na zo koma discours na lingi mwa ba mo nini olingeza na kati e komi ni susu ono kuna election ezali mwa ebo supportanga ezate ale abengi batu na ye jusqu'à ce que bakitenge Yesu ba ye ko bima ba ke ko bimisa ba mo ba phrase ya Mobutu pona ko benga consultation Trois discours ba pasoli. Quatrième, Yangonde, à Monica Akeno, il fallait à se taire. Mais nasi na promettait que je promis, je vais parler. Ce qui na lobi lelo na koloba soute et koza landenge nini. Bosa la kaka nyonso na loba, na sa la kaka quelque chose. Voilà, on lui a sorti ces petits mots. Ya consultation. Mais, bande konabiso ba milouvor ou ba lobi, boko comprendre que c'est un problème de français. Mais, ce qui moutou a lobi, mes chers compatriotes, qu'est-ce qui est de français ou yo moutou a comprendre te? Ce qui moutou a lobi, nazo benga, dès la semaine prochaine, nazo banda ba consultation, qu'est-ce qui est là de français ou yo congolais ordinaire a comprendre te? Alors, donc, na langage yaba initié ndenge bato yide pes bazali kolobeza langage yaba initié ba initié na kadosha, c'est-à-dire bato kaka ya lokuta oyo bako comprendre langage wana ke ezali lokuta. Alors, je vois des Congolais se poumoner se demander bato yide pes bazande ba miluvoro bazande genin et comme ils sous au langage des initiés. Mais oui, c'est vous qui ne comprenez pas. C'est le langage des initiés, c'est un langage de menteur. Pour la bango ezali formol, Félix a kosibino. Alors, il faut aux ala mutu ya kata lokuta ya formol, soit aux ala un Rwandais ya ubenge, ubwenge, soit aux ala kasaïen ya kadiosha, soit aux ala mutu 10e ri limité ya formol. Pour comprendre que ce langage de Félix est juste un bluff. Est juste mensonge. Mais, on a juste une petite parenthèse. Bon, le titre est au commis qui peut faire encore confiance à Félix Tshisekedi. Tokende na hypothèse. Il y a consultation dans le lobby, oyo il y a quoi aboutir na dialogue. Un d'abord, est-ce que Félix a une capacité intellectuelle, professionnelle, il y a quoi l'obat avec audacité, ba consultation est à la tourner autour de moi, donc autour du chef. Mobutu a l'obat qui yango. Rappelez-vous avant conférence nationale souveraine en cascade, Mobutu a réuni des gens à l'obaki autour du chef qui tengeye soit ma phrase wana Melissa ou pas Félix l'oba autour du chef. C'est textuellement ce que Mobutu a dit, c'est ce que Félix a répété comme un perroquet. Est-ce que Mobutu a une capacité à faire réunir bato autour na ye. Est-ce que Félix a une capacité à faire réunir bato autour na ye? Akolobanin. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête oyo akoloba autour ya bato? Peut-être. Mais yibi na banga ba politicien ndenge ba mesana ba okuta na ba kosolola autour na ye. Mais moi dans la salle, dans cette salle là, autour à Félix. Akosede présidence ya réunion. Parce que autour na yo yom tozali leader. Parce que ba préoccupation oyo na ko soulever. Avant de répondre, il faut zonga dans nos classes. Il faut qu'en des classes on comprendre. Bah prérequis, il faut les là. Alors, ce prérequis manque à Félix. Ce prérequis manque à Félix. La question au de tourner na titre bozomo na bande bozali na YouTube na bande bozali na Facebook Totuni qui peut encore faire confiance à Félix. Félix a trahi tout le monde. 1. Félix a trahi d'abord à son père. D'abord na kaka famille na ye parce que il y a des gens qui vont me dire et allez vie privée car sous allez en public aux assos na vie privée. Dans la famille, Félix a trahi la famille. Trahison wana na kata famille. Conséquence nango moi na azali ya botama na famille. Entre tata mwasi na mwana. Tata mwasi na mwana ba bota mwana. Mwana mubali azali. Bandeko nyoso bazali na fami Tshisekedi bayebi yango. Mwana abota na tata mwasi na ye. Voilà raison. Yami balé oyo Etienne Tshisekedi alinga yiko sentir Félix na liste moko public te. Hormi capacité intellectuelle na ye. Hormi handicap intellectuel na ye. Et yiko bakisama. Chibaou na katia famille. Ezali, ça s'est fait, c'est vrai, l'enfant existe. Je disais, première trahison, Félix a trahi dans sa famille. Deuxième trahison, na papa na ye, Etienne Tshisekedi. Na yebite, Togobeng Etienne Tshisekedi par rapport à Félix. Etienne Tshisekedi a zalaki papa na ye, ou bien Etienne Tshisekedi a zalaki beau-frère na ye. Parce que Félix a eu un enfant avec la petite sœur de son père. Est-ce qu'Azali papa naïe ou bien Azali beau-frère naïe? Répondez-moi, Bino Batouboye, oui, culture Nabisso. Troisième trahison na katia famille naïe. Félix a trahi son père Etienne Tshisekedi, son père beau-frère Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na Mbetu Yaliwa, na Belgique, na Bruxelles. Au moment où Etienne Tshisekedi était agonissant, mourant, Félix azalaki na Ibiza, na Italie, batu oba koma na Ibiza na Italie, soki ozali na carte de crédit oya malunga te, na Ibiza Italie ko tia likolo na yo te. Ya de place na Ibiza na Italie, o un petit Coca-Cola ya 500 millilitres, ezali ko coûter 2000 3000 euros. 2000 3000 euros. Coca ya 500 millilitres, 2000 3000 euros. Ba place mosusu na Ibiza na Italie. Excusez-moi. Alors, Etienne Tshisekedi était mourant na mbetu ya hôpital. Mwasi na ye abandone ye, asundoli ye. Bana na ye basundoli ye. Oyo nyoso bazo bima awono ba cousin, ba cousine, ya Tshisekedi, fami Tshisekedi, ba Rosaline Mbombo. Ils étaient là na Belgique au moment où Etienne Tshisekedi mourait na hôpital. Personne na zalaki na kati wana. Ba abandone na hôpital, ti ayayi kokufa. Félix était à Ibiza. Trahison. Ba trahison oye concerné siko notre pays. Nani a kopé sa confiance na Etienne Tshisekedi. Ça sera une bête. Donc, politicien oye a kopé sa lissou Félix Tshisekedi confiance. Azali bête. Franchement bête. Un, toke nena bande konaye ya lamuka. Félix a trahi na Genève. Vous vous rappelez encore? Je retire ma signature na Genève. À trahir bandekonaye ba discussion toute la nuit. Soko zali na ba observation ya ko soulever. Loba yango, soko zali contre procédure ndenge bazo salela. Loba yango. Abangi. Alobi yango te. Ba lobi Félix aza kinwa. Il semblerait que ba kinwa bazalaka ba yumate. Ba kinwa ba timba. Nga la mona kinwa wa timba te. Parce que moi, quand je suis venu à Kinshasa, je n'ai vu aucun kinwa place ma vanda ki na njili. Oya timba ko le kanga ina. Mona ki ete. Mes amis, si kato vanda ki. Ba tu ba yebi njili na quartier 12 na laïc. Laïc eza aveni ezo kende le long ya boulevard. Il se demande, mais moutou oyo garçon a outaka mboka, mais a timba na nenga o sakanati. Personne, bazali, mes amis la bazali. Et d'ailleurs, tu as ko sa l'association des amis, tu zala ki chef, set plito, na zala ki chef na bango. Na zala ki banego be nga président. Jusqu'à présent, les amis la babe nga président. To sa la ka un groupe de sept, on était étudiants tous, sept, bananjili. Nazara ki président na bango. Mouta outi mboka. A outi mboka, a ye na Kinshasa, bino bana Kinshasa botimba, mwana mboka za yuma, mwana mboka za chef na bino. Il faut vous demander. Balobi Félix aza kinua, Félix a timba. Mais na kati kuna, avandi na Genève na baninga na ye, ba kinua. Une partie ba kinua, une partie ba outa mboka. Fayulu ene a Kinshasa kinua aza yumate. Yemoko Felix ene a Kinshasa aza yumate. Ba yuma peter ba uta kimboka, matungulu a uta kimboka. Muzito a uta kimboka. Kamere a uta mboka ya Rwanda. Soki Burwanda, soki Burundi. Alors, yo yanke, mwana kin, bovandi na kata ya Réunion oyo. A majorite ba na mboka. Jean-Pierre Bemba kinua. Yumate. Alors, entre bino ba kinwa, okoki ko lobate, okoki ko bata manakata chambre na telephone na yo, je retire ma signature. Aux 8 ans ya ko lobe la baninga na yo te ke, procédure oyo nenge zo ke ningana sepe inangote, to salaboye, to salaboye. Alors, il a trahi Genève. Alongwe kuna, kamera zuye. Kinwa, Kamere yuma mwana mboka azuye achee na avion bagage na ikute landa kisima amemie tina Nairobi na Kenya akomi kuna kamera bendie ba papier akomelie voilà ngai na yoto sala deal na deal wana soki yo komi president voilà bilo soki botali deal kamera sala na Felix vraiment est-ce que un kinwa mwana ya Etienne Tshisekedi akoi ko ndima un deal ya mwana mboka kamere a imposé ye soki ozui pouvoir ngana kozwa finance ngana kozwa primatie ngana kozwa sécurité ngana kozwa intelligence ngana kozwa armée ngana kozwa administration du territoire affaires étrangères mwana kin Félix andimi oui soki botali vraiment même bino batu bozo kumisa Félix so botali deal oyo Félix asala na Nairobi na kamere. Est-ce que vraiment moi na ya obabengi opposant peuple na simana yo moi na pe ya Kinshasa un villageois caméra ya ko imposer yo andimi baya na Kinshasa Félix a trahir deal ya Nairobi akeina deal ya Kingakati na Kingakati kuna vrai yuma lisusa uta mboka. Abengi si mwana Kinshasa Félix yaka na Kingakati. Aye, ngana yo dila, ok, na kopesa o pouvoir, zwa mbongo ndengo lingi, voyage ndengo lingi, bachilo ba tapis rouge, me o etali sécurité, o etali gouvernement, o etali parlement, o etali sénat, o etali territorial, o etali intelligence, o etali armée, ezali yangai. Ondimi, nandimi tatu. Yuma, mwana mboka. Ayana ba bot, yo mwana Kinshasa, mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba. mwana mboka mususu arule yo ondimi aya na kishasa na bandeko na ye abengisi bandeko na ye bawewa 2000 wewa na yebisa bino bawewa o bozomona wana miniti muke message eleki wewa nyoso ase regroupe na yebisa bino aya na bango 2000 acha bango na baeglise ba mai kalambai ya bambie ya mukuna je l'avais dit à cette époque que Félix a fait venir ngai na zali na ba beau famille belle famille na kasai. Ils ont recruté na kata ba wewa wana moko auta na famille élargie ba beau-frère na ngai azali na kishasa azali na moto ayana elokote ba pesa ye moto na ide pes musala na ye tambula tambula versement na kintwe ke kenda ke paka buya mais message soki ye directement se regrouper azali na koyi ko bomisa ba neve na ngai te mais azali era ya bio noko oyibi mwana ya awuti penda kachabala ba recruter bango e pa fesi ba lobi bazo pesa bango musala ba komene ki chassa ba pandi bango na beglise et par la suite vous avez vu église na kingabwa era moko boyo ka makamuto e bisaka bino on ne vient pas pour faire des blagues na loba avant Félix a fait venir 2000 wewa 2000 kasaya yana bakone ki chassa atinda bango une partie 1000 na braza formation militaire bakanga bango kuna boyebi oyo batika la bapanza bango na beglise ba pasteur bazali baluba na kingaba bomona ki bango te après ba beglise wana esuka wapi alors aye sikoyo a il voit que ba wewa wana 2000 wana kuhiko sala rebellion na kabila. Azo mwona ke, mwa ba marcha na bazo kima mwa ba mbangu kolanda ye na cortege na ye, ba kuhiko sala guerre na kabila. Alinga trahir kabila. Bozo mwona ndenge zo leka. Prestation de serment. A trahir. Trahizo msusu a trahir ba combattant ya 10e ri. Ngana zolo bate boyebi ba combattant 10e ri ndenge bazolo ba trahir biso misala apesi kaka bandeko na ye o ya diaspora famille na ye azolande la famille nyoso banda mwana liboso ti ba cousin ba cousine ba petit fils banane nyoso azolande la baza wapi ko pesa bango ba poste profite ndenge nazali parce que lobby boyebi te tellement kabila apesa ye aval zwa mbongo ndenge olingi na okipe yo te mais ko touche makambo mosusu te mbongo ekota na trésor public Félix na famille na ye babimisi motu moko akoloba eloko te mais ba oyo babetelaka mbula moi makasi na 10e rue Lumete asi engagé nani bosi bomoni motu moko na Lumete donc tout le monde qui vient na Lumete na 10e rue moko azata un diplôme moko ya gradué. D'abord pour Félix, vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour Félix a pris son poste. Ba conseiller na ye nani akota CV. Nani tombola musapi, je vais me pendre. Na mon dossier qui est non voilà, na ko engager conseiller tel akota sa ki CV na ye mukolo tel. Je vous ai dit qu'amère a menacé, ba engager ki bino bien sûr mais to langa siko procédure que chacun me remette CV na ye. Et comment que problème? Bah que vous fondez hier pas Félix. Caméra yo kota sou makamba ba CV a ba makamundi ni wana. Caméra tika atika kama kambwana. Ya kosenga ba CV. Quel est ce conseiller à Félix? Oyo Félix a engagé sur base ya CV na ye azate. Donc bande kola nyoso bazana besoin diplôme té. Na limité na 10e ri bato nyoso ba betela kambula ba moyi. Ba msou bazo kufa sur place. Moutou moko te okoyi ko engager vraiment pour na sacrifice na bango 37 ans mobimba bazali na ko protéger famille na bino pendant que vous et votre père bozo ronfler na ba chambre bango bazali banda mbula bakake moyi libanda pour na ko batela bino lelo bozui pouvoir oké ko landa bande ko na yo ya diaspora o botinda tinda na diaspora avanda kuna ko chome na ba social opesi bango ba poste trahison ya ba combattant ya 10e rue. To yena trahison moussous. Nga pe nan la liste trahison. Félix m'a trahi. Nde kwa vini et chimanga. Na sale ya pandezon babo maye na malezi. Na lobela yango bo yebi. Ba luki mwaye koma ko sove nde kwa vini et chimanga. Mwaye zate fuko luka. Le gramu yakawana. Na kuna na azi. Yende moutwa koyi kwe de biso. Ba bengangaye. J'ai interveni. Nde kwa vini et chimanga wazaki na sale ya pandezon. Ba longola ye na sale ya pandezon. Ba pesi ye 20 ans. Après 20 ans, j'ai interveni. Ba longola 20 ans. Ba le foule ya zonga. Na tango ba kena ki chasa. Ba toa Félix ba pesi nini. Merci ba pesa kana mboa. Ata merci e pa nanga ba pesa te. Ata merci. Ba zo pesa merci e pa ya Félix. Or, se Félix na ba tunaye ba kontakte ngayi. Ba za na impossibilité a kontakte gouvernement malaisien. Na ede bango po. Na sungande kwa na babo mayete. Ezali trahison te? Est-ce que moi, na koni kondi mesu Félix na batonye ba kontakte nga, prof Yombi, ede biso po na situation boye. Na kousali lango sou te, soye na sali lango na zali bête. Trahison. Trahison mousou sou a trahir kochina ye. Mukolo, abanda ki ko, ku inaugure programme na ye ya 100 jours. Nani ayoka banzembo te kocheye, kocheye, ye wana kamere, kocheye. Ide pesi mubimba, banda na kabe ya kamuanga, oleki na kachabala, oleki na misho mikalai. Tulu monde kamere, kocheye, kocheye. Bakocheka nani? Bakocheka mutua yebie lokote, azo yebe lokote, kocheye. Felix azangye bakochi mibale. Kocha liboso yemo kwa mutaloba yango, ayebie lokote, elilingi ya pamba, chidingi dingi, kiyungu. Soka komi na pouvoir, Kabila ifa kocheye, ngaite Félix Ladi na Radio Kapi. Ba file nyonso, ba dokima Radio Kapi ezali. Soki bozali na tembebole kana Radio Kapi, ba kope sabino audio wana. Ezali kutu audio te, video ezali. Félix yemo kwa lobi, na yebe loko mokote. Kabila zali na experience. Soki na komi president. Kabila mutako tangi sa ngayi. Ti lelo Kabila zo tangi sa Félix. Jour ya inoki. Ya program. Ko lance program ya 100 jours. Ndenge na uti kolobango. Tout le monde. Ko cheye kamere. Lelo oyo. Félix a trahir kamere. Ko cheza soute. Kamera zongi burunde. Wana trahison te. Trahison mususu. Félix na papa na yeba ebisi biso, bo kange la biso Kabila, bo ye la biso ye tozo zongi sa ye na Rwanda. Ba video ezali, Tshisekedi azali koloba, toko zongi sa ye na Rwanda. Mboka ya Congo ezali ya ba Congolais. Lelo oyo trahison ya ba Congolais Félix akeyi na Londres albi munya murenge azali Congolais bango moko bandeko na ye ba miluvor ba wololiye bango moko bandeko na ye ba miluvor na kati ya sal ba wololi Félix ba wololiye banya murenge bazali ba Congolais te lelo oyo a permettre accélération ya mabele na biso ya minembwe ba pesa yango na banya murenge. Ba pesa ngo na ba Rwanda. C'est comme si ba Congolais oyo bazwa mukanda, ba vanda na États-Unis, ba vanda na Amérique, ba vanda bon, Amérique du Nord disons, ba vanda na Europe, ba vanda partout bazwa mikanda banda kala, bazo réclamer mabele na bamboka na vandi. Belgique oyo ba Congolais bazali vraiment ici ka ba Congolais ba tcha misisa. Est-ce que ba Congolais bazali ko senga mabele ya Belgique parce que to umeli, to yakala awa, banda kutu avant indépendance. To bota awa, to zali batu ya awa, to zana kiltiri ya awa, bo pesa biso mabele, inu parti baka tabalo bake no mabele, oye komi ya biso. E salema? E salema? Me Félix va permettre ke bane mulenge bazali ba Kongole, voilà bo pesa bango mabele ya minembwe. Trahison. Trahison mususu Félix a trahir ekol. Tata na ye, Tshisekedi na mama na ye, Marthe, ba lemba bitumba. Félix pwa kini na klas bitumba na tongo, eko banda era ko la musa ye, pwa stukula. Félix bitumba ko bunda. Lokola na école kuna, na porte ya klas Lyon azala hakuna. Félix a lingi école te. Félix a, moi na lingi école te. La famille na yeba yeba kitebo. Yebike ba para, situ ba mama. Ba mama nyoso makanisa ba na bango ba zama ye. Mama nyoso nakutana na ye. Eza la mama mundele. Eza la mama ya mutu mwindu. Eza la mama asiatique. Oyo na tangi sabana na ye. So ina zi okazio nakutani. No, oyo ba para na ngayi. Oko yuka kaka ba mama. Ba papate ba mama. Ah, mwana zama yele. Mwana zama. Mama, yo tangi sa mwana yo. Yo tangi sa mwana yo. Ba mama ero na ero msusu bo doza ka ba mama doze mpe. Doze mpe. Tuwa yebi ke amure za laka makasi na bana. Me bo doze. Mwana nyo sa zama yele te. Marta bande ko se vante. Felix sa zama yele. Ndenge bozo mwana frema Felix. Ndenge bozo mwana ye. Pardon. Felix ndenge za wana. Ndenge bo vanyo na basalo na bino bozo landangai. Franchement, entre biso. Na zolo balingala. Entre biso. Est-ce que Félix Moutazala Mayel a zalo la Félix? Mais Marc a bané ko vante yé moi nan gaza Mayel. Moi na zo kima, moi na bané kima parce qu'on a ba calcul ce qui est toki, a zo mona kaka betoile zo leka, betoile kaka, a zo mona betoile. A lingi ko kendete, bitumba. Mais lelo Félix a trahi l'école. Oh non, nazali na master. Nazali na master na communication, na marketing. Ah! École gangi, trahison! Na yebiete, na monayete. Na Belgique, professeur mokote. Na Belgique, élève mokote. Étudiant mokote. Na yebite, bakuru yango ya Félix Abanego landango nandaku yemoko. Na ligne yemoko na internet. Yango akoma na master na communication na marketing. Ou bien, batu bazalai ko tangi sa ye. Parce que lelo na monde o yo, nga so na tangi se moutou. Moutou ana komi président, na komi vante, que une partie ya connaissance zana moutou ya moutou ana, nga moutou na transmeta ye yango. Babi makabango moko baluka kabango te, moutou nyo so so a komi populaire, moutou nyo so so a yebani, a komi président, ba maître na ye école primaire, ba enseignant na ye école secondaire, ba professeur na ye université, ba bimaka bango moko ba mi bimisaka po, ba toba mona ke non asala musala na mondo yo. Oyo ya Félix, moutou aza na master na marketing na communication, to mona maître mokote, to mona professeur mokote, banda école secondaire ki na université o atanga. Ezala ki université ya kabenya ka mwanga ou bien ezala ki na ko trahir Félix te na mona kaka madame na ye école maternelle na mona ye wana na ko iko ngaito lo balukuta ezate madame na ye école primaire na mona ye c'est vrai ezala madame na ye ko kosa mwana yo azala ki mayele na école di na école maternelle mayele ni bazala na école maternelle bayemba ka banzembo. L'école maternelle ba yemba ka banzembo bazola nda ba maîtresse na bango na sima ba maîtresse na bango ba chaka bango singa mutu na muta simbi singa omona bango na ba balabala ndeto ba na ba mboka ona ba balabala na ba madame na bango bazotala ba camion ndenge zo leka bazotala ba nzete bazotala ba papillon bazotala ba fleur. Alors madame wana lobi ke no Félix azali ki mayele moko ya bo salbete azala ki na mayele moko ya bo salbete na école maternelle. Donc madame wana boyebi ke azali cousine ya mama Mwanza. O baibi mama Mwanza te bole kana 10e rue limité boyeba mama Mwanza zali nani. A trahir école. A trahir école. Donc bomoni ke j'ai démontré cas par cas comment est-ce que Félix a trahi. Il a commencé à trahir na famille na Yemoko. À trois reprises, il a trahi sa famille biologique. Il a trahi son père. Son père na li à hôpital mourant na Bruxelles. Félix se retrouve na Ibiza ke ne ko luka Kabila pe sa ye poste ya premier ministre. Il a trahi ses frères ya Lamuka na Genève. Il trahit son coach Nadil Nabango ya Nairobi. A continué coach na ye Kamere après avoir ko trahir ye Nadil Nabango ya Nairobi. Aye ko trahir ye susu era cheye directeur de cabinet. Lelo Kamere ye wana komi ko bata mabata malabandaku. Mwaya bimezate. Un bavard, Kamere, bavard devient silencieux, muet, sourd. Azolo baisoute a bata mina bandaku. Erezma COVID yo ezo edeye, azo kanga zolo partout kaka miso ezo mwona. Yo woye bandene o eza Kamere. Akei na Kingakati. Deal na Kabila. A trahir Congo. Ake kosa la deal na diable. Aye, présidence. Présidence wana invité bande koneye ba wewa. 2000 ba yena Kinshasa. Ba soutenir ye. A bengi si plus de 700. Bande koneye luba. A tche bango ba conseiller. Croyant ke bako soutenir ye. Trahison. Parce que népotiste azali tribaliste. Na sens moko. Népotiste azali tribaliste. Congo naba ethnie nyo sotozo nango 400. Yo zwaka ethnie moko ope ezali majoritaire te. Luba. Ope sa bango ba poste 600. Ou bien 560 tolo ba sur 600. 560 ope si ba luba. Ozali tribaliste te. Trahison au niveau ya tribu ya ba tribi. Équilibre tribal. Trahison. Ameki si kwa trahir Kabila. A nomé ba juge na ye moka poni bande kona ye ba luba ba juge. Ba ede. Ba luba kaka bako ede yote. Nga na loba yango. Je sais ki alanda kangai. Mon frère, cette théorie ya ko tcha bande kona yo ba luba. Ye ba ke 60% ya échec na yo. Parce que échec na yo ya 100%. Échec. Alors, les 60% sur les 100% wana, échec wana batu ba koze yango bande kona yo ba luba. Échec wana batu ba koze yango bande kona yo ba luba. Trahison. A trahir limité 10e ri. Ba o nyon so ba, ki yon souffert na ba moi na ba mbula. Trahison. A pe chata moutou moko postete. Alinga mekamaji avec Kabila. Oh non, prestation de serment. Oui, forcing. Kabila lobi bon. Wazali petit. Botika ya forcé kaka. Ake nou sa la prestation na yekuna. Un président de la République. Na protocole de l'État. Bokei na parlement. Boyebi ke parlement zali symbole ya nation. Bo souwe symbole wana. E boyebi hymne national. Hymne national la tangwe kati. Batatounyo sa bani ko yemba hymne ya IDPS. Na parlement. Moi je pense que protocole. Na batou bazaki na micro, il fallait ba kata hymne ya IDPS. Et continuité. Mais Félix a fait laisser cet hymne de l'IDPS na parlement et continuer. Il na souk à tout le monde suit silence. Trahison ya symbole de l'État. Nabamboka oto vandi lelo oyo. Nabamboka oto vandi lelo oyo Félix Azan. So yeza pa yena idea ba koreyen. Lelo oyo Félix Azo liya vungule na prison. Weye ba ke ba koreyen ba kanga présidente na bango. Na biro Azo bima kota na conseil des ministres. Yaka nana wa mamu. Nini na zo kota na. Non, tozali na mandat d'amener. Hein, mandat d'amener nga président, oui. Mais immunité. Immunité, tu suis Tolongola qui banda 3h du matin. Tolongoli, immunité, banda 3h du matin, Tolongoli, osa nango soute. Yaka mamu. Ozali mamu, toko simbo na brutalité te, yaka na malembe, kota na moutu kato kende. Mukolola banda akenda, atika biloko ne nyoso, na basupa lambaka yambwa, ye abanego liyambwa te. Biloko nyoso, balambe laka ya atika kuna zonga li soute. Ti lelo tozolo ba, nga ina bino tozolo ba. Tozo kende lelo na 5e année, vers 5e année. Président wana aza na prison. Asala nini? Asala nini? ye moko personnellement sale le côté camarade na ye ndenge mama Martha zali kozoba mbongo kamera pesi ye 1 million oyo ba pesa ye boy camarade na ye batanga na ye ake ko sala corruption na ba mukolo Samsung na LG na ba compagnie mususu azwi mbongo mbongo wana eleka 20 millions de dollars te. Na compagnie moko te ba compagnie nyoso moko. Oui, moi si oyo azwa mbongo wana azali camarade ya président. To mona ka ye na présidence, influence. Na présidence azana musala moko te. Azana musala moko te lokola mwasha Félix. Bambongo azo pesa badon na ba organisme. Azo zwa yango wapi. Asala na Belgique azala ki infirmière. Na Belgique ba infirmière, na Europe infirmière, bangona bazo reklame salaire. Ba infirmière ya ba paya. Traitement yeza malamu te. Bafuta ka bangonde, bafuta ka bakolo mboka te. Mwasha Félix ye moko alobi avant élection abanga ki toza na mbongo te tokene propagande ndenge nini. Lelo oyo mwasha Félix akomi ko pesa badon, ba voiture, ba machine, ba biloko. Azo zwa mbongo wana wapi. Salaire ya Félix ezali combien? Mama Marthe ba million de dollars na ba banque azali kozwa yango wapi? Na ba mboka lokola Corée président a koti boloko. Ba gafo nyoso Félix asali na ye, na frère na ye partenaire na ye Kabila. Ba zali na prison. Mais hélas na mboka na biso ezali ba seigneur de guerre. Ba to bazali oyo to benga ka ba sauveur ya mboka. Kongole azali bongo. Mutu o abomi yo, abomi famina ya, koti na butu abomi famina yo. Abomi papa, abomi yaya, abomi bandeko. Lobi na tongo matanga. Mukaka la même personne, ayena basashi ya kafe, na sukali, apesi bino, mutu wana bimi sauveur ya famille. Merci papa. Mjoka ndem, kaka la même personne mutu abomi bino, kaka ye, ayeli bino mwa sukali, akomi sauveur. La même chose de kola ba Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba lelisi ba famille guerre inutile ko boma bande ko na biso inutilement lelo oyo cette guerre que Jean-Pierre Bemba a mené a profité en quoi na congolais et profité na nini na ba congolais kaka Jean-Pierre Bemba o a lelisi bat bande ko na biso ya Kisangani bande ko na biso ya Équateur lelo Jean-Pierre Bemba so akiti na Mbandaka, akiti na Kisangani, batu bako landa ye, chairman, mutu ako sove mboka ye yo, bobosani eleki pa même 20 ans. Eleki pa même 20 ans, Kisangani, Mbandaka, Équateur, nyoso, Jean-Pierre Bemba lelisi ba famille batu bakufa. Mutu mokote azo ata 1 centime ya kuendaminize bango. Bakufa lokola banzinzi. Kaka ye Kongole, mutazo bete la batu lokola ba Jean-Pierre Bemba Maboko, le chairman, ye mutako sauve mboka. Katumbi ki vu vol, ba mbongo, ba minere, ezo kende, kobima pati ya Zambi, azali gouverneur, yi kontrol ba mil nyonso, ba mbongo nyonso, ezo bima pa, ba minere, ya biso bazo teka fraudulezman. Ayibi bino Katumbi ayeko zonga, Aye na basaki ya loso, na saki ya masangu, akaboli bino sakombi, moko, bandeko akatanga nyoso bakomi, oh, mutoto wangu, mutoto wa mama, mutoto wetu, mutoto wakatanga. Na ba milioni nyoso wa hibi bino, alongoli kakata 50 mil dolar, ou 100 mil dolar, asombeli bino masangu, asombeli bino loso, ayeko pesa bino, bobosani ba criminels économiques ndenge ba sala ba bandeko ba mbongo ba minerai na biso Katumbi devient un sauveur ya mboka na biso famille Tshisekedi banda Tshisekedi a banda na trahison je l'ai dit hier Tshisekedi est né politiquement dans la trahison Tshisekedi a évolué dans la trahison Tshisekedi est mort na Belgique na trahison Lelo oyo Kongole na kasaye, oh sauveur na biso, famille Tshisekedi, oyo bazali ba famille, ba don ya Nzambe, ba benediction na biso ba Kongole. Souvent je me demande, Nzambe, pourquoi na botama na katia batu oyo bazali na ba comportement bo. Je ne dis pas tout le monde. Lelo ba bimi ba lobi discours ya Félix muta comprendre ngwe ezali ba initié. Mais Congo ezo luka ba avocat. Congo azo luka ba avocat ko samba makambu ya mapping. Congo azo luka ba avocat pona terre na biso minembwe. Congo azo luka ba avocat o ba Rwanda na ba Uganda ba Boma na mabele na biso. Congo azo luka ba avocat. Voilà ba avocat o ya bande ko na biso ba kasaye bazo tchango toujours na service ya famille Tshisekedi. C'est-à-dire que Félix peut faire caca na babi. Mouluba ko ya ko loba kaka o ezali kaka te ezali chocolat. Akoye bisabino o eza kaka to. Ou ezali kaka to ou ezali chocolat. Congolais ko ya ko beta maboko. Oui, ezali chocolat. Vous avez vu la prestation à serment ya Félix. Le langage que Félix a dit. Merdis, merdis, merkin, merdis wana. Ti le lobo yebi langage wana ça veut dire quoi? Non, c'est normal parce que ce langage a été dit par l'enfant de Tshisekedi, famille Tshisekedi. Il faut l'accepter comme ça. Ce n'était pas un langage strange. Et c'est un strange langage. C'est normal. Il faut bon di mayango. Bayembi imine na bango ya IDPS na parlement. C'est normal, il faut qu'on dit mayango. Eza ndengo ana. Yo zali professeur ya ndengeni ya balobi professeur ya malewa. Mais, ce qui m'étonne na makambo oyo professeur ya malewa, na yo kana onte moutoua loba oza kongolete. Voilà ce qui me fortifie. Et loko ezo pesa nga makasi ya ngwana. Na yo kana onte milivora loba non, ozali kongolete. Baya kaka professeur ya malewa. Baya kaka, mais professeur ya malewa, siko mama mwanza kuna pe malewa. Siko yo, mama mwanza bozo kumisa ye. Mengayi bozo kumisa ngate po na lambe la kaba korea. Milouvoro mokote, akoya ko metre na question kongolite na ngayi. Mboka wana ezali ya biso. Voilà ma bla bla bla bla bla bla bla cousine à Malewa to occupé binote to zo comme ma casse 2 ans yango jour pour jour 2 ans yango jour pour jour bon bon ko yeba ke biloko na bino ba intimidation et quoi affaiblir biso ils ont affaiblir biso te ils ont affaiblir biso te quand vous voyez bato nyon so bazali na réveil patriotique ce sont des gens qui le font na sentiment patriotique, na amour ya pays. Et bazo koma toujours plus fort. Quand vous voyez Kerwin Maïso, plus fort que jamais. Fabio Koswanika, plus fort que jamais. Yuyu Mutumot, plus fort. Zoro Bilel, plus fort. Yuyu, plus forte. Gino Will, Kolobate, tout le monde. D'une autre part, Ezali Bino Bawewa Batu Bokomisi Batu fort. Parce que les lois sont naïbi que Makila ou Ezali na ba vin nan réseau circulé, Ezali Makila ya Congo. Alors, bimpoa kamoko donc, ceux qui baillent, non, cuisinier Yamalewa, professeur Yamalewa. Oui, ma professeur Yamalewa. Est-ce que vous voyez que restauration, ils allaient, dans le département Moussousou, il y a hôtellerie. Vous voyez que dans l'université, il y a habité dans l'université Kinshasa, ceux qui ont hôtellerie, ils allaient. Mais il y a des universités, au bazar département, il y a hôtellerie. Kuna baillez que la Hanine, baillez que la Yamalewa. Oh. Batu ya malewa bazwa doctorat na malewa, professeur d'université na département ya hôtellerie. Bazali. Kabeya kamwanga, programme wane utaka na Sanza, e utaka na planète Mars, ou bien utaka na Jupiter. Alors, la question maintenant qu'on a posée, la réponse, moutou na moutou ndenge to vandi awa azali na leader na ye. Nga leader nga azali Congo. nazana leader na landaka te, nazana parti politique te, nazana groupement politique moko te. Parti politique nanga ezali Congo, leader nanga ezali Congo. Mais bino batu bolandaka, soit Fayulu, Bemba, Katumbi, Muzito, Intel, Intel, répondez. Ba leader na bino, na ba trahison nyonso oyo na tangi ya Félix. Félix a trahi Genève. Félix a trahi Nairobi. Félix a trahi Kingakati. Félix a trahi ses combattants de l'UMT. Félix a trahi professeur Yombi pour avoir sauvé son frère, le frère de Villiers Chimanga na Malaisie, na Pandaison. Félix a trahi son père, Tien Tshisekedi wa Mulumba. Félix a trahi l'école. Na ba trahison na nyonso. Vraiment. Est-ce que ba leader na bino bazali ba bête? Ba kene kolanda susu. Mo ya Félix. Félix a yemisa bino ke toke na ba consultation autour de moi. Ba leader na bino wana. Bozali ko permettre bango. Ba kende ko na consultation na Félix. Vi ba trahison yon so. Ki Félix n'a pas trahi? Katumbi Félix l'a trahi. Katumbi a sauvé l'IDPS na dernière minute. Mbongo eza soute. C'est Katumbi qui a supporté tout. Ba voyage, nyonso, kolia, makamu nyonso. C'est Katumbi qui a supporté ça. Mais en retour, qu'est-ce que Félix a donné à Katumbi? Trahison, n'est-ce pas? Alors, demandez à vos leaders là. Botuna ba leader na bino. Bango moko pe soki bazali ko landangai. Ba mituna. Leader oya ko sala pa akeyi na consultation avec Félix. Azali bête. Azali bête. Félix est né dans la trahison. Il a grandi dans la trahison. Il va mourir dans la trahison comme son père. Laissez-le mourir. Laissez-le mourir. Congo, il y a Congo, Oyo, Moutouako Bima, qu'on sauve Congo, Oyo. Moutouako Bima. Moutouako Bima, qu'on sauve Congo, Oyo. Moutouako sauve Congo, Oyo, Eza, Moutouako, la Félix, c'était. Alors, ce qui est mon leader, Nabino, toi, yebi déjà, banda lobby ba bandi deja na kintweki ba consultation na ba ona kintweki to yebi ndeko soki ozali conscient ozali mutu ozali congolais olandaka leader moko er moko il faut ko teleme la ba leader na bino ko yebi sa ba leader azanzambe te leader na yo azali nzambe te ya de ces points là yo ko iko pesa conseil na leader na yo ya de ces points là yo ko iko teleme na leader na yo ya c'est un point là bo ko iko kabana na leader na yo parce que ba idée e coïncidente to zali batu ba idée e coïncidente leader na yo molimo ya muyipi yo lingi Congo e bonga alors bo kabwana nani akopesa confiance na Tshisekedi Atombo la Musapi, aloba oui, pone loko boye, ngayi na pesi confiance na Tshisekedi, na Félix. Na detaye bino ba trahison, oya makas, ezali ebele, men na detaye mike. Tata mwasi na ye, oa botane mwana, asundula ye, trahison pe, parce que, chimba ou esye salami, zemye koti, mwana botami, bo siko bobomba suni. Oyo bobomba ki na kuku, ebimi na poisa, mwana azali, Ajou tata mwasi asundoli. Na ebite so azali tata mwasi na ye, ou bien azali chéri na ye, parce que babota ina ye mwana. Trahison te, ba tata o wa sundola kabana. Boyoki, ezali trahison. Vous abandonnez les enfants, vous engrossez bana batu, na tango zo landa ye, chéri VMP, chéri nako sombe la yo liputa na suka sanza, chéri nako sala yo boye, chéri nako sala yo boye, oche ezemi okimi. Oh non, ou ebite ke, Joueur soki azo beta bal asala kanini soki achebi joueur akima kate mobali pendengo ana soki achezemi na plaisir wala ifo akima bozo sundula bana ya batu na ba charge et la plupart bana wana bango batu babongana na vie la plupart bana wana ayebi ke papa sundula ngai papa neglijan ngai Bana wana nzambe achaka maboko baganyaka vi. Apre, kaka ba papana batu bazonga ka sima sima. Muke mukila na entre les pattes. Mon fils, ma fille. Me osundula ye. Na mama, na mwasi. alukama be mwana ba fièvre na butu yemoko kotangisa yemoko mwana bongi papa ye kobima batata mwasi ba ye kobima. Et il y a des choses na mboka wana tango toko zwa makambu na maboko. Franchement, il y aura des gens ba kokene na ba prix. Osundula mwana que ça soit divergence na yo na mwasi na yo, ça ne concerne pas l'enfant. Mwana soya ke pa mama na yazali mwana moke, c'est normal. Mama il faut garder mwana. Mais yo responsabilité na yo, il faut zoyango. Tinda mbongo ko lia, tinda mbongo minerval, tinda mbongo ya kisi, tinda mbongo bilamba, tinda mbongo ya kosakana ya mwana. Alors mibali muso bakanisaka soki atiki mama na mwana soya tindi mbongo, mbongo wana mama na yake de ko lia ngo, mais mama ali yango tendenge nini? Mama li yango tendeni. Otindi mbongo, balamba biloko ya kolia na ndako, kaka pona mwana wana, bana mususu abota ayer baliate, donc bakolia yango, parce que akolia yango, bana mpuse bakolia yango po ozali irresponsable. Et yora de loi na mboka na biso. Que ça soit les conditions, soki osundula mwana na yo, okokota prison, ou bien toko kalkile, banda osundula ye, ti mukolo toye ko kanga yo, il faut futa mbongo wana. Il faut zongi sa mbongo wana. Yo na mwasi na yo bo koyeko zala ba problem, e yaka na mukili, boza soute bo kabwani, se neke normal, bo yokanite bo kabwani, yake Felix mutalingi, mariage e kabanate. Me ba Kongole, ba mariage zo pantana, lokola ba zo buaka, ba poso yanguba, ba mariage zo pantana. C'est normal. Mais oya Félix, ba lingite, situ ba mamuna ba tatu, ba maria, situ tatu soki a bali mutu ya province mususu. Mariage wala sobo moni e sali 20 ans. Non. Batu wana Yesu so a ye, ifu Yesu azwa bango. Ifu Yesu azwa bango. Nos frères Luba, homme Luba, soki ba bali mwasi ya province mususu. Solution e yaka, soit divorce, soit tatu a bali mwasi ya muluba. Boko mwana tatouan a zala mwasi a mi balé. Mwasi a mi balé ane fwa zala mwasi a mouluba. Mais, basi ya ba louba, soki ba bali, ba tu a province msousou, pas de problème. Pas de problème. Soki na kosi, moutou moko a tombre moussapiawa. Nos frères louba, soki ba bali, ba tu a province msousou, nos frères louba, soki ba bali, ba tu a province msousou, soit ba kabwanaka, soit oko mwana na kintweki, ou bien officiellement, le monsieur Luba azali na mwasi mususu ya muluba. C'est normal. Mais yo si ko muta province mususu bala mwana muluba, o mega okosa liboma oboya ye. Oko yoka ba français ndenge ko yela yo, oko mona ba avocat ya baluba o yo mona nanute. Pourquoi ce comportement? Il faut normaliser société na biso. Ça ne va pas. Ba déséquilibre za ebele na société na biso. Alors, lelo Kabila bali Félix. Félix a lobaki yango na vidéo ezali. Ba oyo nyonso ba kitise la Joseph Kabila pantalon. Nana yoka yango te ezaki na Saint-Thérèse wena limete. Il a dit ça. Ba politicien oyo ba kitise la Kabila pantalon. Lelo oyo ngai bozola ndangai na ba television na bino, bozola ndangai na ba telephone na bino. Nani azo kitise la Kabila pantalon? Lelo oyo nani azo kitise la Kabila pantalon? Libala ekufa balingi libala ekufate. Mais ce que za la ke Félix muto a bala Kabila. Donc Félix mobali a bala Kabila. Mbele Félix a luki mwasi mususu ya muluba. Mais comme Kabila muto a bala sikoyo mwasi ya muluba donc Félix libala ne ko kabwana to. Bolo baboye batatu baye. Bolo baboye bata français baye ko bima bata basala linguistique. Oh non. Français wana Félix a loba ki eza français ba initié. Kaka ba initié ba to comprendre yango. Bino ba comprendre yango ti. bandeko tozali na problème moko très sérieux na mboka na biso, très très sérieux na mboka na biso. Les problèmes que nous avons, ezali problème d'occupation, ya bapaya, il faut ko benga na bango. Ne parlons pas des élections parce qu'il y a un pays occupé. Et bien, nous avons élection. Parce que ces élections seront organisées par les occupants. Comment expliquer que les occupants vont organiser des élections pour les gens? Mais il faut que vous soyez malade pour nous comprendre ce qu'on a. Deuxième problème, c'est que vous avez l'instauration. Nous avons un processus d'installation de la République kasaïenne dans la marche. Boko mona une domination bomoni ba tutsi au Rwanda, les Hutus sont majoritaires, les Tutsis sont minoritaires, mais aujourd'hui la minorité Tutsi bazali ko maltraiter, bazali ko kidnapper majorité Hutu na Rwanda. C'est le système oyo ezali en train de s'installer na Congo, le système. Le système Louba Ezaline en train de s'installer na Congo. Batubaza ki di babozo monate. Batubaza ki di babozo monate. Félix Azali ko place ndenge batuti ba place ka bande ko na bango. Tout ce soir ka ye sika banda directeur général. Ti huissier mutakombo la ka bureau. Touti na touti. Ceux qui bon lobby, oh, négationniste. Oh, non, génocidaire. Oh, non. Voilà stratégie Nabango, il y a qu'on faire taire Batou. C'est ce que Félix Azali a placé na Congo. Nani a contredire Ngaï. Nani a contredire Ngaï que Tozali na Congo, plus de 400 ethnies, mais Félix, ma nomination, na ye nyonso. Dominance Nango, Luba. Comme si le Luba était majoritaire dans Mboka na biso. Félix Soki a nommé Moutou. Okomo na kaka trois quarts ya batu a nommé, ce sont des Luba. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ako placé bandeko na ye nyonso na bisika nyonso na bisika nyonso. Ezala longwe. Système wana a tché na place. Bakosala toujours tout mutakoya eza toujours obedience Luba. Mutakoya toujours parce que bangonde bato bazali. C'est ce qui se passe au Rwanda. C'est ce qui se passe au Rwanda. Bandeko bazali ba étudiant na ba université. Le professeur na ba université na monde. Na diaspora. Remarquez banani bazali kozwa ba bourse d'études ya gouvernement rwandais. Parce que dans Mboka Loko la Corée, chaque année, au moins, il y a une centaine ou 200 personnes rwandais, bayaka kozwa, bayaka kotanga na bourse, ya gouvernement, donc coopération entre le gouvernement coréen Koika avec le gouvernement rwandais. Et ce que tu as dit, les 200 wana éparpillés dans l'université, ce sont des toutes. Donc, on donne l'opportunité d'avoir toutes, ba kende kotanga, pour la relève, il y a système, il y a Kagame. Ezala toujours na place. Ce que moni wutu moko cas d'exception et ce que toni wutu wana a nazali na camarade moko o azali tuti ye mutu a edengai. C'est ce que Félix azo installé na mboka na biso au Congo. Les Congolais bazo lala, ba Congolais bazo monate. Congolais azo monate. Ba preuve yangwana. Tout ce que Félix, liste nyonso Félix a nommé. Liste nyonso ce que l'équipe n'est pas ya Félix. Boko mona toujours trois quarts ou bien trois quarts point neuf Luba. Mais non, il ne faut pas dire que Simbate ndeko loom rock. Il ne faut pas dire que Simbate. C'est ça le langage des Congolais. Na maloba ko Simbate. Mais ils ont ça les mains. Ce qu'on veut que Simbate, tant que la présidence, il y a combien de Luba? Yo lobby ko Simbate. Tant que la présidence, il y a combien de Luba? ma tribu moussou c'est ça combien? Oyen a 600 personnes. 560 loba. Mais yokuna ovandi ozolo beko simba te. Mais zo simba. Ba jija tche, ba luba. Même oyo ba lobi, ono abotama na maniema. Azam uta maniema. Mais abotama na kasayi. Azali naturalize kasayene. Bozo mona te. Moi si na ye atinda ba quelques 10 bourses ba ke ina Europe. Na batu nyo so le 10 o ba zui bourse ya moi si na ye. Luba, luba, luba, luba, luba, luba. Bango 10 ba luba. Me bourse wana ba ke nango izali bourse ya mbongo wa Congo. Mbongo wa Congo ya biso nyo so. Mais pour nous consulter, aussi 10 provinces à Pamba, aussi chaque province parmi les 10, aussi Mutomoko, Moko, Moko, Moko, Bastadi, 10 autres. Bazaba Congolete? Bazaba Congolete? C'est comme si les Kasaï étaient défavorisés. Alors, si quoi Félix Aïe, il faut qu'on pèse à opportunité. Et pourtant, Bakasaïen, ce qu'on t'a dit malamo, Mobutu a beaucoup donné des opportunités à Bakasaïen, na Batabandundu. Mobutu a pesi opportunité na bakasaye na batabandundu. Okomona ba premier ministre bakasaye, okomona ba ministre bakasaye, okomona ba premier ministre batabandundu, ba ministre batabandundu. Leto koyiko loba, la plupart batu bazalaki sacrifié zali batu Équateur, batu ya ba Congo, batu ya ba province ya Est. Bango pe bazalaki privilégié na temps ya Mobutu. Alors, qu'est-ce qui explique que Félix Siko a favorisé les Luba, comme si les Luba, bazalaki kaka batu bazalaki défavorisé na régime à Mobutu, même na régime ya Kabila. Ezali tribalisme. Ezali tribalisme. Mais na minoko na bango, ezali yemoko Félix a lutté contre tribalisme. Mais yemoko les grands tribalistes. Na tango azolo ba na kolite kote tribaliste, na simana ye ba conseiller ba tandami, ba luba, chitenge, chiyesu, kalume, ilunga, ngoyi, kazadi, muteba, chatumba, ba luba. Mena munoko, na zolite kontre tribalisme. Mais ce qui fait en pratique, tribalisme. Kongole azota lokola ndeko na biso oyo rock, Azolo be ko simba te. Ezo simba. Ezo simba. Ebiloko e banda kala. Nzuzi wa mbombo a recruté coopération avec le gouvernement canadien. Batinda batu ba kene kozwa formation. Ba Congolais, ba Zaïrois à cette époque. Ba kene kozwa formation na Canada. Nduzi wa mbomba recruté parmi bango nyon sur les 200 gouvernement canadien a sengaki parmi bango sur 200 baluba atinda bango na Canada. Bango ba vanda na Canada ibele. Ba bota bota bana ba sa ibele na Canada. Ils sont partis par ce programme de Nduzi wa mbomba. Alors, ba Congolais ba vandi kaka non eko simba te. Congo yo, oyo ka msusu Congo ezayi ni. Congo, na Congo tribalisme ezate. Na Congo tribalisme ezate, Congo toza peuple ini. Lokuta, menteur, hypocrite. Ozali hypocrite. Tribalisme ezali. Soki bo moni, le père ya tribalisme. La province ya tribalisme, ezali le Kasai. Na Congo na biso bisika bo vandi na ba télévision na bino na ba computer na bino na ba téléphone na bino. Nani ayebite banda kala na Congo muluba soki bo pesi place comme PDG. Banda muto alikolo ti na muto akombo la muluba. Nani ayebi angote. Nani ayebite ke muluba soa ju diplôme moko. C'est comme des chinois, diplôme moko. Ba luba ba ko sale la diplôme wana même 20. Nani ayebi angote. Mais pourquoi bozali ba hypocrite? L'hypocrisie échange à Kambokate. Hypocrisie échange à Kambokate. Hypocrisie échange à Kambokate. Nana yebite. Eva, ezala bino batubavane na diaspora. Ezala batubavane na Kishasa. Na ba université. Okomona toujours. non communauté congolaise toza ba congolais bo sangani na kati ya communauté soyi bo sangani ba luba soyi ba s'identifier 2 3 4 ba koloba sur français té ba koloba sur lingala té ba komi koloba ka chiluba na chiluba yebi ke ndeko auto termina ya yebi chiluba té azamu taka saite mais bango bazolo bakaka chiluba na chiluba nana yebi angote mais les autres provinces to yebi ke tozali misa 5 moko na biso azali un kasaye ayebi lingala té Toko loba français pour ne quoi na comprendre. Toko isolé yete, mais le, nos frères loba ba yebi lokwa na te. Bango ezala ba moni ozali oyebi monokwa na te. Bango chilo, débrouille-toi. Et mingi basala ndenge nini. Il quitte groupe wana longwe na ye parce que zo yokate makamba zo loba. Ils sont toujours comme ça. Voilà ba mo auto zo luka na mboka na biso il faut to changer biloko wana ce n'est pas bien ce qui to kutani ce qui bozola makambo entre bino excusez-vous auprès ndeko na bozana ye non ndeko makambo to zo loba ça concerne makambo susu c'est mieux to zo loba na chiluba ndeko na o comprendre a ko se déplacer moki ou bien o comprendre bino mais bokoti boye boye bi ke ndeko a yebi chiluba te bo bandi mwana eto chitombo chitombo chi mwana eto mutombo mutombo chiting mutombo mutombo bizaleli mabe donc biso excusez-moi biso va tozo dénoncer le tribalisme, on nous taxe des tribalistes. Besoin d'une inversion de valeur. Besoin d'une inversion de valeur. Yo mutozo dénoncer tribalisme, bango bazo taxe yo za tribaliste. Et pourtant, bango de baza ba vrai tribaliste. Bota la ba bêtise à Félix. Bana, so omoni mutozo défendre Félix, so landi bien. Okomona kombo na ye ezali soit Ngoyi, soit Kabeya, soit Ilunga, soit Mutombo, soit Ngalula, soit Chatumba, soit Ilunga. Ozomona ka ba kombo kaka yangwana. Lelo français oyo primaire, français maternel que Félix a utilisé na discours na ye, et comme français scientifique, et comme français codé, kaka ba initié ba twa comprendre yango. Mais le Congo a besoin des avocats, mes chers amis. Défendez le Congo. Minimbo a besoin d'avocats. Bargima boy. Tozo tokana ba forum sous ba Rwandais. Pour nous, nous avons dit que nous avons dit Congolais. Te. Mais expertise, oyo ya bande kona biso ba luba. Ce qui tu utilises en pour nous défendre Congo, Minembo na biso. Pour nous défendre rapport mapping na biso. Pour nous défendre ba minere na biso ba zoyiba. Pour nous défendre mboka na biso. Bande ko bozo mona teke to ko avancer cause na biso mutimbi mba koye ba yango. Mais bande kona biso ba luba utilise leur expertise ya mensonge, leur expertise de défense, kaka na ko défendre famille Tshisekedi. Kaka lobi awa diskuro mutu nyoso. Eza la mwana maternelle o fungolo tielie. Ako yoka lobi nini. Lelo e komi binobo comprendre c'est un problème de français. Lelo ba bande konabiso ba kasaye ba komi ba ki akademie française. Félix a komi philosophe. C'est un langage philosophique. E komi bible. Compréhension, les alliés de grand football, bah initier, bah faire comprendre. Wapi bino siko, toujours n'gato mona ba vidéo, bon expliquer biso. Qu'est-ce signifie, mes chers compatriotes? Qu'est-ce signifie consultation? Parce que ce sont les deux mots que Félix en réalité a tourné autour. Na 6 minutes naïe. Mes chers compatriotes, na consultation. Alors, bino batou boye bi français malam. Biso le bi français te. Ah oui, bo yebi sanga musika kuna kotova ina kore, balo ba coréen. Oui, je parle coréen. Je parle coréen. Na tangi saka na coréen. Peut-être. Français bungangai. Alors, bo yala ba vidéo bo expliquer biso qu'est-ce signifie mes chers compatriotes, qu'est-ce signifie consultation autour de moi. Bino bat bo yebi français bo expliquer biso. Mais bande koboti kabilo kona to lingi façon na bino ya défense oyo bozana ngo to lingi ezala pour la cause nationale Tolingeza la pour la cause nationale. On ne veut pas expertise na bino oyo boza nango, ya défense, ya ko défendre même ba bêtise, ezala utiliser pour na famille ya mutumoko. La famille Tshisekedi a commis des erreurs. Etienne Tshisekedi nzamba pesi étoile, a vu chance ya ko tanga te. Doctorat wana Etienne Tshisekedi za lukuta. À cette époque-là, il y a eu une école normale, parce qu'il y a eu comme un recteur à l'université. C'était normal. C'était à cette époque-là. Mais, même si il y a eu un monde évolué, ce n'est plus cette époque des normaliens. Et ça, c'est une époque de normalité. Il y a eu un normalien, il y a eu un normalien, il y a eu un sommité, comme un doctorat, un master. Il y a un sommité à Kotanga, ma post-doctorat, il y a un sommité à Kotanga. Ce n'est plus cette époque de Gizenga, cette époque de Tshisekedi à Okosabatu. Alors, lelo oyo utiliser connaissance na binon, il y a défense bozanango parce que ezana makila, ezala kabatang sango na famille, il faut défendre, ezala balobi osali kaka na bilamba no eza kakate, eza chocolat mutu se fandima. Alors utiliser expertise wana pour na cause ya mboka, minembo ezana besoin ba congolais et surtout la na diaspora na biso, la diaspora luba est parmi la diaspora la plus forte ya Congo. La diaspora luba est la diaspora la plus forte ya Congo. Alors, bisika nyo sobovandi na diaspora na bamboka nyo sobovandi. Vraiment expertise na bino oyo ya kadiosha. Ce qui peut utiliser ngo pona ko défendre minembwe, pona ko défendre bana na biso bazo violé, ba mama na biso bazo violé, minere na biso zo bima. Peuple na biso bazo souffrir. Bozo remarquer te ke batuti ba okokati. Bozo remarquer te batuti ba okokabi sauté. Parce que baza d'abord minorité na diaspora. La diaspora luba bazali ko leka diaspora touti. Toza na besoin na bino. Toza na besoin expertise oyo ya kadiosha. Na lali na butu na lamuki na kamwe. Je ne m'attendais pas que discours ya Félix oyo il y aura des gens qui viendront défendre yango. Nandimaki yango te lelo nandimi ke franchement bo frère nangai bozali ba expert moko nandinga osakana te. Et voilà, kozo tendre maboko, pardon, utiliser ça pour le Congo. Utiliser ça pour le Congo. Pour la famille tu sais qu'elle était. Famille Tshisekedi a roulé ba Congolais, a roulé pe bino moko ba Kasaïen. Nini eza na Kasaï? Diamant ici là. Diamant est comment aussi là? Diamant denge eza la ka kala na Kasaï, yango eza siko. Vous voyez que vandalisme wana eza la ka, biso na Kasaï ba tona diamant. Biso, bozui ba diamant me bozongi site. Bo yeba kite, bino ba tuwa kenda klasi li boso. Boye ba kite ke diamant e bota kate. Diamant eza tomate te. Diamant eza tomate te. Ke lelo soki to buki tomate, bambu mana to kolona tomate mousse ko bota te. Diamant so longoli moko. Moko e ko zonga te. Diamant so longoli moko. Moko e mousse ko bota mate. Lelo, vous remarquez que nos frères Luba ont exploité la terre. Ya kasai na diamant. Diamant e bandi ko sila. Mais vous n'avez rien remplacé na place ya diamant. Alors, solution est alignée. Exode dans ma province Moussousou. Exode dans ma province Moussousou. Mais Exode wana na ma province Moussousou zokende na arrogance. Na arrogance. Bisso. Batuba lobate, baloba babomi bakasaye, baloba babeti bakasaye, ba vérifier kasaye moko babomi azati. Ba vérifier kasaye moko azueta mbata azati. C'est comme les Tutsi. Toyambi bango lokola ba réfugié, ba yé ba sengi nationalité, to pesi bango nationalité, ba komi ko senga mabele. Est-ce que bozali koko moko te? Bozali koko mokote par hasard? Comment est-ce que bozandenge moko? Comment bozandenge moko? Ezali toujours coïncidence, le cas de la cousine de Robert à l'obi. Robert à l'obi qui m'a camionné, c'est ça la coïncidence. Mais ton monnaie, il y a l'obi na, na Minembwe, kuna ambassadeur des États-Unis qui est Sima. Mais ton monnaie na photo na Minembwe, na ambassadeur des États-Unis. Coïncidence, c'est photo, non? Donc, tu as aussi dit ça, tu as dit ça, tu as expliqué différentes trahisons, il y a Félix. Félix a senga lelo, a senga consultation. Vous voyez que consultation dans le cannabiso aboutit na dialogue. Dialogue nde yango to boy. Batu oyo ba sakani na biso mingi. Dialogue, dialogue. Bazu groupe oyo. Basali, basali, ba yibi. Groupe moussous ba lembi na chômage. Ba provoquer incident. Allez, dialogue. Dialogue, bazu oana ba yibi, bope manano. Groupe moussous yé. Ba yibi. Oyo ba ke na garage. Ba lembi nza la piaka. Ifu bazonga, incident. Dialogue. Et na makamba nyo so peuple congolais azali wapi. Yango to boyi dialogue. Toye awa pour te expliquer, bon moni na détaillé point par point ba trahison ya Félix et ça aboutit à une question. Nani mutu o azali normal? Nani leader o azali bête te? Oyo akopé sa sou confiance na Félix pour andime la Félix ba ke na consultation. Consultation ane abouti na dialogue ba croire Félix. Parce que ba étape nyo so Félix a leki, Félix a trahi. Na lobeli trahison ya Genève, na lobeli trahison ya Nairobi, na lobeli trahison ya Kingakati, na lobeli trahison ya combattant ya IDPS, na 10e ri, na lobeli trahison na ngamoko na Sovande ko na bango na Malaisie po baboma ye, ba trahison ngai, a trahir coach na ye Kamere, a trahir papa na ye na mbeto hôpital, a trahir école ke atanga nzoka nde atapa kunate. Donc ba trahison nyonso na zotuna na bino ba Congolais. O bozola ndangai. Nani oyo ako permettre leader na ye, eza la Katumbi, eza la Bemba, eza la Fayulu, eza la Mbamuzito, eza nani ako permettre leader na ye, akende li susu ko pesa confiance na Félix, ba vanda ba solola. Est-ce que cette fois-ci, Félix ne va plus trahir? Po amesani ya botami ya koli na trahison. Papa na ye a botami politiquement na trahison, a koli na trahison, a koufi na trahison. Moi na pe aye, abandi na trahison, azo évolué na trahison. Nani vraiment o azali bête te, ako permettre leader na ye, a kende ko sala sou deal na Félix. Voilà pourquoi toyaki lelo. Merci mingi, pona ko kabola, video na biso. Merci mingi, pona ko landa biso. Merci mingi pona confiance. Merci mingi pona kotele melamboka na biso. Au moins biso na moment haut to ko tika histoire ya koloba ke non mboka na biso ezalaki trahi mais à un moment donné ya un groupe de gens une catégorie d'âge ba lobby non trop c'est trop to boy trahison to tika pe moi histoire ata ya malamu na bato na biso ba o ba landi ba lekaki biso ba tike li biso histoire ya malamu te mais biso pe tozo kende na kotiki la bala na biso ba koya histoire ya malamu te. Est-ce que tokoyi ko sauver te to basculer pour que to tika quand même histoire ya malamu même si ba criminel politicien ba zo trahir mais à un moment donné le peuple a dit non stop aujourd'hui to silisi makamboyo 2021 to kota ngona trahison te. Peuple ba décida ki un jour ba telemi ba ponani entre bango nzamba kotika mutete. Non, yo lingi Félix Akende Kabila kende pour remplacer nani. Non, muto akozala. Tozali 100 millions d'habitants. Nzamba tika ka batute. Bon monde na kaka. Sorry, muto moko azana ligne, je pense les États-Unis. Donc, nzamba tika ka batute. Lelo oyo Félix Kabila to ko benga na bango boko mona nzamba ko tindela bino kaka mutu moko peteta uta na fin fond ya ba village kuna ya bindungi kuna ko bima nzamba tombolie abim bomoni na ko pesa bino mo exemple avant na kata mo exemple ya Genève nani avant ba politicien ba escro bango nyoso ba kenena Genève nana ndi Mike Fayulu pe ko iko bima Fayulu pe mutu ko ye ba ye kongo mobimba ba yebie nana ndi Mike yango Erba poni Fayulu kuna entre bango ba escro mususu Batu nyonso ba mona yeke mutu oyo fayu a yebani te. Parti na yekute zaragani bazoluka. Eside. Eside dene. Aza kutu na batu te. Nana yeba yeke fayulu obu ya mwa moko. Fayulu obu ya mwa moko. Fayulu akoki kokoma populaire mokili mobimba. Mboka Kongo mobimba. Afrique mobimba. Mono mobimba ko yeba ye. Voilà ndenge nzamba salaka. Lelo to koki ko benga na bango nyonso de Fayulu, de Bemba, de Katumbi, de Muzito, Kabila, Tshisekedi to benga ni bango nzamba ko ne ko bimisa même na suka ya mboka ya Bolobo. Suka ya mboka ya Beni. Nzamba ko tombola mutu moko ako yako lide biso, ako yako guide biso, ako zala. Cette théorie là ya lukuta yo lingi Felix akene Kabila kende po chanani. Ezali lukuta, ezali batu oyo ki on raté l'école. Na anarchi wana, nzambe ako bimisa mutu moko. Ba oba zaba chrétien ba yibi, Yesu ayayi ko botuma. Est-ce que quelqu'un pouvait s'attendre que nzambe ayako bimisa Yesu na ndaku ya charpentier mutu anika kama baya? Nana ndimake yango. Na moma soe botuna ka nzambe ako tinda mutu. Ba ngaba yeba kepete nzambe ako tinda mutu ayako bimisa famille Herod. Nzamba kotinda muta obima na famille ya boy. Nana ndima ike, d'abord kutu, Joseph esika zaki na mboka na ye kartye na ye batuba ye baki ye kaka. O bazalaki esika baneko bongisila batabure. Mboka mubima batuba ye baki Joseph te, ba ye baki Marie te. Meba muna kaka, pa, Marie ye kobima, abimi na famille Herod te, abimi na famille barua te, aye kobima na ndaku ya charpentier. Abimi na ndaku ya charpentier. Donc Congo oyo lelo eloko ezoza nkaka yo nangai kongole to telema ba politisye onyo sa meyibi dégage ça peut se faire eloko kaka ezaka volonté ça peut se faire bazo roule biso bazo roule biso Fayulu ake ko réclamer ba pine ya voiture na ye. Est-ce que vous avez déjà vu Fayulu aller réclamer que ma policier va détruire les citoyens moko ya Kingasani? Combien ba mama ma pa ba policier na biso bazo panza? Na ba marche na bango, ba policier ba ke ba panzi mama na ma pa azo souffrir côté ka ma pa na lesa bana ba panzi yango. Vous avez déjà vu Fayulu ake na poste ya station ya police bozongi ya ma pa ya mama oyo? Mais voiture na ye. Ba toboli ba pine, Fayulu alale li bango wana, ache li bango etoko na go lala wa, soki ba pine msusu ezate. Mes chers amis, ba politisye na biso, ba zo kosa biso. Bo la muka, ba kyo baza sima ba lider wana, réveillez-vous. Nzambe akopesa biso mutu. Nzambe akopesa. Ou bien, bosambe la gabe, bosambe la gate. Boza ba to lukuta, boza ba hypocrite. Ba Bible ya papa pamba wo boza nangwe lemba ba papier. Eza ba Bible ya lukuta. Nzambe akosala, nzambe akosala. Kaka pona kolia na yo, nzambe akosala. Pona klasa abana na yo, nzambe akosala. Me pona mboka na yo, na kolongo la ba lider. Kaka pe nzamba ya kolongola yo ba lider. Ba lider ya lukuta muyibi. Kaka nzambe pe ya kolongola yo ba lider ya muyibi. Vraiment. Donc, na silisi wana, boyebi sa ba lider na bino. Boyebi sa ba lider na bino. To boyi trahison, to boyi consultation, to boyi dialogue. E loko biso to lingi. E Félix, et Kabila, dégage. Et donc, to lingi, moutou nyonso oya leka, directement ou indirectement, toute personne qui a contribué, yako boma makila ya bana ya Congo, ozala ministre, ozala premier ministre, ozala rebelle, ozala opérateur économique, ozala gouverneur, vous avez volé to lingi bazala pembeni. Prenons-nous en charge biso moko, ba politisyon ba zoko sa biso. Voilà donc ce que j'avais à dire aujourd'hui. Boka ba la vidéo mbango. Boka ba la vidéo mbango. Merci pour la Hollande Abisso. Merci Madame Espérance Motuku. Merci. Merci pour nous avoir à tout moment. Ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bande Kobino Nyonso. Bokabola vidéo. N'a pas eu de temps à la Bino Nyonso. Et au coma, prof a commis prof Amatolo. Prof a commis prof Amatolo. Mais il faut encourager des gens. Hein? Faut encourager des gens où yo bah ça les camarades, mais il faut encourager des dames comme ma expérience Motuku, ce sont des femmes où yo basali qu'on se sacrifier risque où ils très bien bandé qu'on a besoin d'engin bah jusaka, mais quand bah tout le coup la bango baso zo risque ya kolobe la mboka na biso bah conséquence tout yebi qu'est-ce que koi koko met la bango, mais balobi eya ou ekoya eya akolobe la mboka na ye. Mais madame wana azali na azako souffrir na kongote lipa na ye ezali ndako na ye ezali soka li nkotambula kotambula mais souci ya mboka ezala makila patriotisme yangwana donc bola na pe bande ko mususu go na loba yango na video mo ke spécialité na biso ekomiko yebana chaque entre guillemets leader patriotique azali na thème na ye azoya nango azali na marque de fabrique na ye. Quand vous suivez Kerwin Maizo investigation bozolanda thème na ye. Quand vous suivez Fabien Kuswanika bozolanda ba thème na ye. Donc bisonyo soto azali complémentaire. Quand vous suivez Ngwanda ezali ba secret en coucou ah ba secret en coucou oui batama o ba bomba azoko bimisa po ela musa biso ye a kundoli dans coucou. Biso to yambi yango, to pandi yango, to explique yango. Complémentarité. Oh non, nga la ngwanda te. Papa yombi nga la kaka yomba to ngwanda te. Ozo la kaka yombi aza expert na makamuni yon sote. Ya des histoires yamboka na biso na kwa explique yango te. Anthropologie na kwa explique yango te. Histoire yamboka na biso na tanga yango penza bien te. Ke na profondeur. Alors, il y a des gens au bazali na spécialité wana. Ba tout le kola ba kwebe kimpele. Bazali ba tout bazali na spécialité ya histoire ya mboka na biso. Parce que ngaso yi eloko moko ezo ya na histoire, o na maîtriser te. Je cherche de vidéo a kwebe kimpele pour na yeba. Likambo oyo alobaki nini, qu'est-ce qu'il a expliqué? Parce que azali une expertise nango. Ngwanda so ba lo makambo ya secret ya nkuku. So ina linko lobela yango, na kwene ko lokola vidéo na ye. Na yeba, qu'est-ce qui s'est caché dans Koukou? Pour na comprendre, na expliquer. Kerwin Maizo, la même chose. Et le koni ne ba bombi dans Koukou et zo batama. Na bimisa yango. Voilà. Et batou le kola ba yuyu moutoumosi. C'est pour donner la force à nos filles. To ebi trebe ke mboka na biso ezali, mboka na biso ezali, mboka o dominé par l'homme. Patriarcat. Alors, batu oyo bazali ko bima lokola ba Espérance Motuku, ba Diamant Noir, batu oyo bazali ko bima lokola ba Yuyu Mutumosi, batu ko bima lokola ba Candide Keke, ce sont des femmes oyo bazali ko pesa courage na espoir na bana na biso ya basi. Oyo bazali étouffé par la domination ya mibali, ya patriarcat. Pour vous savoir, non, émerger. Vous allez battre tout, vous allez indéguer mon corps. Vous êtes capable de parler. Vous êtes capable de véhiculer votre voix en tant que femme, en tant que citoyenne de ce pays. Vous allez égo, bisonnyonso. Mais hélas, vous allez mon abandé comme sousou. Quand ce qui va moni moutou le col abimi yu moutoumos, ah, yé, moi si nina le balkat, n'a kata mi bal, azalin doki, az tamoukousse, ah, moi si nina le bakabo yena, azalin doumba, me dit. Moi si soki azali koloba makambo ya mboka na ye et comme ici ndumba, mais pourquoi vous accordez étiquette na ndumba na basi ki ndumba yango ya basi basala ka bango moko? Moi si so azali ki ndumba sala ka ngola mobali, mais pourquoi vous appelez moi si ndumba et mobali bozo pese nan dignité? Soki moi si azali ndumba, mobali pa azali ndumba. Et président Abino, vrai ndumba ezali ye. Azo bota na basi boni. Me basi o ye azana bango. Ye moko kaka azali mobali. Me president na bino azo bota na basi boni. Azali ndumbate. Ah, mwasi na ye mususu. ya ndeke mbuta na yebite bato bazala pembeni ya ndeke mbuta boni sante na ye vraiment ça m'inquiète hein, et comme ma souci hein. Bon ezalaka kala c'était hein, avant hein? Moi c'est le président avant hein? Banyoka Longo ba ya André avant mutu na mutu aza na vie na ye vie pe hein, échangeaka ba changea ba bongola mutema mobali moko mais ye président na bino azali ndumba te. Quand vous appelez des femmes comme Yuyu Mutomosi, Candido Keke, Diamant Noir, Bespérance Mutuku, que non, Basali Bandumba, parce que Bazolo na miso mi bali. Mais que Ndumbango Basala na banane. Na bino mi bali te. Non, wana ezali façon ya ko intimider bande ko na biso ya basi. Moi, j'encourage ma femme. J'encourage ma femme. Oyo bazali kozwa le devant ba loba ba expliquer et basi na biso ne ce que ba lobby vous remarquez la classe hein eza lokola Jocelyne Mbombo pe a komi ko pesa ba cadeau na ba organisme vraiment bandeko aza na poste nini na gouvernement na biso Jocelyne ce que Jocelyne Mbombo a komi ko pesa ba don na ba organisme o eza olowate. Voilà, tout ici, Wana. Merci. Basi nyonso, oh, bazali ko landa biso, ba mama nyonso, courage. Bo lembate, ba benga yo ndumba. Ba benga yo, mais ndumba koutou na Bible, ba koti sa yit. Ah, ndumba pe aza na place na Bible. Place ba pe sa ndumba na Bible, za ko denigre yit. Hein? Ba benga bino ndumba, ba benga yo boye, ba benga yo mukuse, ba benga yo muyaka. Ezali ko pesa yo fo. Et d'ailleurs, na yebi parmi ces femmes-là, loko la ba yu mutu mwosi biye kandido keke. Eza lo yeko benga ye ndumba. Donc, kuto zoko mise makasi. Donc, ako, azoko masu mulai. Bo mwona gate so yibo benge yu mutu mwosi azali ndumba, azali mukuse. Yu mutu mwosi akoma ka mulai na maloba. Siko bilo watu zoko mise mulai. Sanko yeba. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Bye bye. Merci, tout aussi pour aller loin. Samedi, malamu, week-end, malamu. Bozala malamu, mouboulou, yamasanga makasite, bo melamouke, ba fête, pardon, COVID et komi makasi, bo supporter na ba prière, tolingi ba prière, pardon, ba mama, tolingi ba prière na bino, ou vandi pe na prière, ou le bino, semaine oyo prière na nga ezali na ba éveil patriotique, mi balé, mi sato. Nazo prier pour na Gino Will, nazo prier pour na Kerwin Maizo, nazo prier pour na Prof Yombi. Semaine ko yakuna prière ya semaine les ali pour na ba leader mususu, nazo prier pour na Honoré Mbanda, nazo prier pour na Candido Keke, nazo prier pour na Yuyu Mutumosi, nazo prier pour na Intel, nazo prier pour na Prof Yalengi, na yeko de kuvie na sima. Je le na tika ko yeba yete. Il y a des amis qui m'ont dit mais il y a un professeur na congolais aux États-Unis na New York. Prof Yalengi, na bien en tout cas na tika ko landa yete, mais na ozwa ki courriel moko na ye, je pense que courriel wana ezali ki négligé quelque part, je le na bande ko yeba yete, mais er na ke kota na ba archive na tala, mais non, to zali belé, non, mais non, Prof Yalengi, non, azali baoba, je pense, non, azali baoba. Donc, boutou ya lelo na tali kaka ba video na ye, vraiment c'est un baoba. Voilà ce que nous voulons, ma professeur. Ma professeur, c'est ça qu'on a place, ma kenda qu'on a engagé, yoté, dans le laboratoire, na yo, kaka, au vanda, kuna. Non, professeur, azali moutou, azali lié, na social, ya batou, ya mboka na ye. Mboka, ils na moto, professeur, ko longola veste, zwa mai, kantina mai, osopa. Sauvé, loba, c'est ça. Bravo, mingi na. Allez voir comme ça, je pense, azali koulou nangai. Franchement, professeur, Yalengi. Merci mingi na makamonyo so sali na landi butu mubimba na landi ba video na yo na landi be kri na yo vraiment je pense que okozala mutu oyo il faut to landa yo merci mingi merci et merci na bandeko ba connecté ngai na ye Kerwin Maizo merci beaucoup vraiment merci infiniment allez au revoir. Voilà.